Thank you. Stück aus der Zeit. Näh daraus dir ein Kleid. Mach es groß, mach es weit. Doch erzeug keinen Neid. Je suis pas. détresse, en se tordant ainsi qu'à son poing sur la brève, et pétrissant sa sein sur le fer de son buste, il sait couler ses mots totalement qui le mûrent. Moi j'ai la lèvre humide, je sais la science, de perdre au fond d'un lit d'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants, je fais rire les vieux du pire des enfants. Je rends grâce pour qui me voit nu et sans voilet, la lune, le soleil, les ciels et les étoiles. Je suis mon cher savant, si docte vous l'écoutez, lorsque j'ai tout fait l'un dans mes bras de beauté, ou lorsque j'abandonne en morsure mon vice. Timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ce matelas qui se parle des mois, des anges aux impuissants et d'un air éblouissant. Quand des lues de mes yeux sucèrent de la moelle, et que l'envie s'arrange, je me tournais vers elle. Pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une houte au flanc bruant, toute pleine de feu. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je vais mourir à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avancer une vision de sang, tremblement, profusément des théories de ce que l'est, qui de même rendait le cri d'une girouette, d'une enseigne, et de que balance le vent. We'll be right back. Thank you. Chicken, Bono Soup, Iolinia, Triangle or Loop, What's Fruit? What's fruit?